À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, des conférences, séances de lecture, entretiens et séances de cinéma ont eu lieu en Finlande, en Norvège, en Guinée, en Éthiopie et au Nigeria. Aux séances de films ont été projetés les documentaires coréens comme « Avenue des scientifiques Mide » et « Palais des sciences et techniques ». Y ont pris part des personnalités et des habitants des pays intéressés.